ciel, ce qui plus tard sera une île, où je pourrai enfin quitter cet enfer, faire l'écrivain autour d'un verre. Voici mon lot, moi qui bêtement s'invente, plein de secrets que j'évente. Dis que c'est beau, lorsqu'obstinément j'arpente la solitude qui me hante. Alors l'escale, je montre en rafale la somme si imparfaite de mes grandes découvertes. Je suis un capitaine que rien ne réfrène, sauf si l'encre manque au papier, comme le vent manque au voilier. Voici mon lot, moi qui bêtement s'invente, plein de secrets que j'évente. Dieu que c'est beau, lorsqu'obstinément j'arpente la solitude. Lorsqu'obstinément j'arpente la solitude qui